Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à toutes et à tous. Le Blues Café se délocalise pendant deux jours ici au Salès Blues Festival. Une édition un peu particulière, vous l'aurez remarqué, sans public. Pour me parler de cette édition un peu particulière, nous recevons Michel Treil, adjointe à la culture de Salès-sur-Sanne. Bonsoir Michel. Bonsoir. Salès Blues Festival est, c'est l'un des plus anciens festivals de blues en France, plus d'une trentaine d'années je crois. En deux mots, rappelez-nous un petit brin d'histoire et surtout le concept de ce festival. Oui, alors le blues à Salès, c'est une longue histoire. Ça a commencé il y a très longtemps grâce à la volonté d'une poignée de passionnés de blues et c'était en 1984. Ce festival de blues, c'était important pour vous de ne pas l'annuler ? Alors c'est vrai que ça fait un an effectivement que la commission culturelle, avec l'appui de Travail et Culture, prépare, reporte, modifie et souvent annule les interventions, les spectacles. Du coup, c'était un petit peu maussade pour tout le monde. Et les élus de Salès ont dit on va essayer de faire quelque chose autrement. Donc on a imaginé, et avec Tech, effectivement, une formule différente de ce festival, donc sans spectateurs, mais en permettant à tous de découvrir, alors aussi bien aux habitués qu'on espère au nouveau, de découvrir le festival via YouTube et via Facebook. Alors Michel, maintenant, si vous le voulez bien, c'est à vous de lancer la soirée avec Sébastopol et Mister Matt. Place au blues et place à Sébastopol. Cold white table, so cold, so white, so fair. Oh, let her go, let her go, may God bless her, wherever she may be. Oh, she may serve this wide world a lover, she never found a sweet man like me. Up, says a knight. Oh, please put that little gold piece on my watch chain, so my friends know that I'm standing firm. I want six scrap shooters for pale barrels. I just need 26 colors, girl, to sing me that song. Oh, please put a blues band on my ears wagon to raise hell as I run along. It's raising hell, boy. Carry, hold out your old time hand. noticed where men's going down to the graveyard. Only 11 are coming back. Oh, right now. Yes, I've told my story. And don't you know what I'm gonna do? I'm gonna take another shoot of booze. And if anyone shall happen to ask you, you gotta tell him. Oh, just tell him that I've got, yeah, that I've got as old as me don't blue. Oh, just tell him that I've got, oh, I've got as old St. James Infirmary. Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Time. Mais on dirait que j'arrive au bout de cette chanson. J'arrive au bout de ce concert. Oh, enfin un concert. Eh mais c'est juste la fin du début. Ça continue après, vous avez la chance d'avoir toute l'équipe du festival qui vous a goupillé une soirée de rêve pour oublier ce contexte cauchemardesque. Alors on va se régaler, il y a Mr. Matt qui va jouer tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir invité, merci à toute l'équipe qui nous a permis de passer un beau moment en sécurité, comme un vrai festival en somme. What if I were, what if I were a catfish mama? She's swimming deep down in the deep blue sea. Oh, all those pretty women. Merci la compagnie, merci. Merci, merci, salut, à plus. Vous venez d'assister au concert de Sébastopol, ici en direct du Salès Blues Festival. Avant d'avoir Sébastopol avec nous, ici nous avons le plaisir de recevoir celui qui sera la tête d'affiche de cette soirée, Mr. Matt. Eh oui, Mr. Matt, bonsoir. Nous sommes très heureux de te retrouver au Salès Blues Festival. Ton dernier album est sorti en mars 2020, Matt, en plein confinement. Donc est-ce que tu arrives à être toujours désespérément optimiste dans cette période compliquée pour tous les artistes? Il y a des gens, c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Mais dans l'ensemble, oui, je suis plutôt optimiste. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau timing, on a été au top parce que on a été confiné le 16 mars et l'album est sorti le 20 mars. Donc voilà, ça a été un timing un peu bizarre. Tout s'est enchaîné, tout ce qui devait s'enchaîner ne s'est pas enchaîné. Quelle belle organisation. Bah, oui, c'est ce que je disais, j'avais un rêve de gosse, c'était de sortir un album en plein confinement et c'est fait. Toi, tu as tenu vraiment à garder le lien avec tes fans en proposant des vidéos live. Tu as même sorti un EP suite à ces sessions, ouais. Lockdown Session, ouais. Avec des reprises qui ont été choisies par les internautes eux-mêmes. Ouais, j'ai essayé de garder le lien. L'histoire vraiment de Désespérément Optimiste, j'ai enregistré ça en décembre 2019, je crois. Tout s'est plutôt bien enchaîné parce que le clip de Désespérément Optimiste a été sur la plupart des télés et voilà. Le Taratata s'est passé le 13 mars. On était et le lendemain de Taratata, une heure après la fin de Taratata, j'étais numéro 1 des précommandes sur Amazon, sur iTunes, sur la Fnac, de partout. Et puis ben là, un confinement est arrivé. Donc j'avais envie de garder cette espèce de lien qu'avec les gens et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors au début, je me suis dit, je vais faire quelques petites chansons, 5 ou 6, puis finalement, j'en ai joué 55, je crois. Il y a eu aussi, tu ne l'as pas cité, un beau moment au Nice Jazz Festival. Oui, ça s'est arrivé un peu plus tard, en fait. J'ai fait le Nice Jazz Festival, pardon. C'est pas facile à dire, on va leur demander de changer de nom. Ouais, Nice Jazz Festival, donc j'ai fait le Nice Jazz Festival et ça a été un vrai moment. C'était au mois d'août, donc on a tourné ça en juillet. Et c'était un vrai chouette moment, ouais. Alors parlons juste un instant du prochain album. Maintenant, je crois que sa sortie est imminente. Et puis quel nom, surtout, quel nom aura-t-il? Écoute, l'album, il a été fini d'enregistrer en janvier. Il sortira certainement, on va bientôt l'annoncer, mais à la fin du printemps, fin juin, enfin mi-juin a priori. Cet album s'appellera Du bonheur en retard. Désespérément optimiste collait bien au moment du confinement, mais Du bonheur en retard, je crois que beaucoup de gens en vont avoir là. Le moins que l'on puisse dire, en tout cas, c'est que tu sais t'entourer. Tu avais travaillé avec Gaëtan Roussel sur cet album-là, ouais. Désespérément optimiste. C'est le prochain et produit par un ingénieur du son de légende qui avait même eu une victoire de la musique avec Julien Clerc comme meilleur ingénieur du son de l'année. Je crois que c'est Dominique Blanc-Francard. Ouais, bah c'est un vrai bonheur de bosser avec lui. Alors, quand tu regardes le bouquin qu'il a fait où il était au château d'Hérouville, où il a enregistré T-Rex, Pink Floyd, Bowie, Elton John. Désespérément optimiste, je l'avais déjà fait chez Dominique, hein, avec Dominique, oui. Et aussi avec Gaëtan Roussel. Et quand on a commencé à chercher avec qui faire le prochain album, Dominique a dit non mais moi je refuse qu'il soit fait ailleurs qu'ici avec moi. Donc voilà, donc j'ai refait avec Dominique et c'est un bonheur de bosser avec... j'aime bien les gens comme ça. Dominique c'est quelqu'un qui a 75 ans, mais on dirait un enfant. Et j'adore ça. Il y a quelqu'un qui est curieux et c'est super. C'est un peu la question que j'allais te poser, mais tu as un peu répondu. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou lui qui t'a choisi? Visiblement, les deux, mon général. En tout cas, c'était moi, de toute façon, mon premier choix, c'était de rebosser avec lui. Et puis finalement, qu'on a commencé à y penser, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'est fait naturellement parce que je crois qu'on s'est mutuellement apprécié. Et c'est un plaisir de bosser avec lui, c'est un vrai plaisir, quoi. Alors ce soir, Matt, tu t'es entouré aussi d'une belle équipe de musiciens. Bah ouais. Est-ce qu'il s'agit des mêmes musiciens que sur le disque? Alors c'est pas mes musiciens qui sont avec moi en tournée, c'est pas eux qui ont joué sur le disque et sur l'album, voilà. Tu peux nous les présenter rapidement? Alors il y a Julien Audigier qui est à la batterie, il y a Aurélien Calvel qui est à la basse, et il y a Laurent Dere au piano et au clavier. Et moi-même. Et ce sont des musiciens qu'on retrouvera aussi sur le prochain album. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, et donc sur la tournée aussi. Oui, bien sûr. Alors, de ce disque, tu dis qu'il te ressemble comme deux gouttes d'eau. On avait déjà eu un peu ce sentiment-là avec Désespérément Optimiste. Qu'est-ce qu'il aura encore de plus personnel? Il est très personnel dans le sens où je ne saurais pas trop l'expliquer, ça. Je sais que j'ai vraiment la sensation d'avoir fait, pour le coup, là, un disque qui me ressemble plus qu'aucun j'ai jamais fait, en fait. C'est assez intime, je crois que je me dévoile vraiment. C'est très bateau de dire ça, parce que la plupart des artistes et des musiciens disent tout le temps à peu près la même chose, mais je me dévoile vraiment, ouais, je crois. Je crois que l'espèce de grosse carapace est un peu plus introuverte. Tu avais déjà commencé sur l'album Désespérément Optimiste, tu commençais à te dévoiler, tu commençais à trouver ta propre voix, finalement. Oui, carrément. Et je pense que tu... Bah, c'est une marche de plus, hein. C'est une marche c'est de cet escalier qui sera peut-être le visuel du prochain album. Et ouais, ça va. On a eu le privilège d'entendre quelques titres de cet album, puisque tu nous as fait la gentillesse de nous faire un petit teasing. Et c'est vrai qu'on sent que tu as réussi la fusion entre le Mr. Matt blues, le Mr. Matt chanson française. On sait que tu alternais des fois un peu entre les deux. Est-ce que ouais, parce que c'est enfin parce cette que, fusion vraiment parce entre que ces c'est deux mon styles. Monde en fait. Alors déjà il y a un truc qui est il y a un vrai changement et c'est vrai que j'y pense là maintenant, mais il y a aucun titre en anglais. Ouais, c'est vrai. Que du français. Il y a que du français et j'ai essayé de trouver j'ai toujours été amoureux de la langue française et de la poésie et de ces choses-là parce que c'est aussi ma culture et c'est quelque chose que j'aime vraiment éperdument. Et peut-être qu'il m'a fallu tout ce temps pour arriver à marier justement mon amour de la musique américaine et des mots et de la langue française, ce qui est beaucoup plus difficile à manier dans cette espèce, je vais dire, je ne veux pas mettre d'étiquette, mais c'est une langue qui est beaucoup plus difficile à manier que l'anglais. J'ai l'impression d'y être arrivé parce que je suis content de ce qu'il en ressort. On sait quand même que tu es un grand fan de Brassens et de Jacques Brel, puisqu'il y a, là où tu habitais, un festival Jacques Brel, donc ça relie aussi... C'est un pont. Cette aventure et puis, des mots. Et puis ça se fait assez naturellement, en fait. Je crois que c'était aussi le bon moment, maintenant, après toutes ces aventures Montelmen, après ce premier album. Il n'y a jamais trop de hasard dans les choses, et je crois que c'est le bon moment pour arriver et faire... ce dont j'ai envie, quoi, ce dont qui me parle vraiment. Quoi. Alors, on parlait d'artistes français, mais tout à l'heure, en discutant, c'est vrai qu'on évoquait aussi ces American Recordings de Johnny Cash. Quand on entend ce prochain album, on voit que ta voix est extrêmement bien mise en valeur, bien mise en avant. C'était aussi un choix de vraiment d'assumer cette signature vocale, c'était un vrai choix de faire un album, j'allais dire, qui est en dehors de tous les standards actuels, où il y a beaucoup de basses, beaucoup de choses comme ça, où la musique est hyper compressée. Là, c'est hyper, finalement, c'est hyper acoustique, organique. C'est vraiment, je prends un peu à contre-courant tout ce qui se fait en ce moment, avec une couleur qui, pour le coup, qui m'est propre, je crois. Et c'est très brut, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les choses très brutes, le Tom Waits, les vieux Dylan, ou les vieux, ou justement, même Brassens, où c'est vraiment, où ça, tout est assez brut et assez... Tom Waits reste quand même assez sophistiqué dans sa musique. Ouais, sophistiqué, enfin, mais il y a une liaison avec le cinéma. Il y a toujours cette recherche de quelque chose assez moi j'appelle ça halos, mais moi je trouve ça toujours très très brut, ouais. Mais est-ce à dire, finalement, ça fait deux disques que tu joues avec des musiciens, est-ce à dire qu'on ne te retrouvera plus sur une tournée en solo ou un retour au blues plus traditionnel? Il faut jamais dire jamais. Je peux pas dire ça maintenant. Là, maintenant, j'ai la tête là-dedans. Et moi, ma priorité, c'est ce disque. En même temps, je suis en train de m'amuser à écrire un bouquin. Vrai. Voilà, donc je m'amuse dans tous ces trucs-là. Donc, alors là, je crois que tu en as trop dit ou pas assez, mais il va falloir que tu nous parles un peu de ce bouquin quand même. Pas encore. ce sont déjà tes mémoires. Non, même pas. Mais donc voilà, je m'amuse à ces choses-là et surtout j'essaye de prendre plaisir à monter de cette aventure Mr. Matt qui est toute nouvelle finalement parce qu'elle a qu'un an et essayer de la faire vivre dans un moment et une époque qui est assez compliquée pour tout le monde. Donc. La priorité, c'est justement de balancer ce truc-là, quoi. Avant d'écouter le prochain album, on peut que conseiller l'écoute de ce désespérément optimiste. Matt, avant de monter sur scène, comment est-ce que tu abordes cette expérience un peu inédite de jouer sans public ? Écoute, j'ai surtout envie de prendre du plaisir. Ça fait longtemps. La dernière date qu'on avait fait, c'est avant celle-ci, c'est le 15 octobre. Ah, c'est juste avant le siècle dernier. Le siècle dernier. Le 15 octobre, on a fait notre concert à la Maroquinerie. Et après, tout s'est fermé et tout s'est annulé. Donc là, déjà, c'est d'être avec les amis, de faire de la musique et de prendre plaisir, quoi. C'est ça la priorité. Des visages, des poèmes, des clivages, des gestes pour dire qu'ils s'aiment. Des contours, des malheurs, puis quelques mots d'amour, des sourires, des peintures, des plaisirs, des caresses pour être sûr, des regards, des bassesses, des égards, puis quelques instants de détresse. Je vous parle de nos vies. De nos vies, je vous parle de nos vies, de nos vies, des postures, des manies, des fissures, des charlatans, des prophéties, des prières, des menaces, des œillères, puis quelques idées tenaces. Des louanges, des murailles, des phalanges abîmées dans de fausses batailles. Des idées, des orgasmes, des inhibés, plus jamais le moindre fantasme. Je vous parle de nos vies, de nos vies. Je vous parle de nos vies. De nos vies, des manies, des blessures, des folies, sentir se briser son armure, des regrets, des douleurs, des arrêts, puis le retour de la douceur, des soupirs, des vertus, des désirs, puis quelques moments incongrus. Des espoirs, des couleurs, des victoire si tout cela n'était qu'un leurre. Je vous parle de Noé. Je vous parle de nos vies. Je vous parle de nos vies. Salut. C'est Mister Matt. Bonne écoute. Je n'ai plus d'amis au milieu de cette route. Je n'ai même plus d'ennui au beau milieu de mes doutes. Je ne veux plus de ce désir au pied de cette vieille colline. Je ne veux plus obéir au pied de cette guillotine. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi, tu danses. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi, tu danses. Je ne veux plus de ce désir au pied de cette vieille colline. Je ne veux plus obéir au pied de cette guillotine. Je n'entends plus rien autour de tes démons de pacotille. Je n'entends plus rien de l'amour, de tes mots en forme d'aiguille. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi, tu danses. Pendant ce temps-là, toi tu danses. Je n'ai plus rien à faire ici, entre ces quatre murs étroits. Je n'ai plus envie de cette vie et d'un futur entre tes lois. Entre la fureur et l'ennui, il n'y a que tes oriflammes. Entre le dégoût et l'envie, il n'y a de place que pour les larmes. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi, tu danses. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi, tu danses. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi tu danses. Blues Café Live et tout ce week-end au Salès Blues Festival, c'est en Isère. C'est une expérience assez unique de festival en ligne. On espère en tout cas que vous prenez autant de plaisir que nous en prenons ce soir avec ces artistes, et nous accueillons celui qui était il y a quelques minutes encore sur la scène, Monsieur Sébastopol. Bonsoir Sébastopol. Ah, oui. Alors, est-ce que tu connaissais d'ailleurs Mister Matt? Ouais, on s'est croisé avec Matt. Ouais. Oh, dans un joli coin, ouais. Un très beau château en Aveyron, Saint-Isère. Un beau festival aussi, ouais. Alors, déjà, on se connaît pas, donc je suis très heureux, ouais. On est très heureux de te faire ta connaissance. Tu vas déjà nous expliquer ce surnom, Sébastopol, d'où sort-il ? Mais on y est pour toute la nuit. Ah mince, mais on a toute la nuit. Pas dû poser cette question, alors. Il y a pas de joker, mince. Bon, en fait, c'est une très longue histoire, mais c'est tous les hasards de la vie qui m'ont mis ce nom-là sous les yeux. À plusieurs moments de ma vie, à des moments clés. Et ça représente plein de choses. Enfin, les gens qui ont un petit peu écouté du blues savent que l'accordage de Ré s'appelait le Vest à Paul. Parce que les gars avaient inventé ce nom de code, parce qu'ils n'avaient pas de notion de solfège pour dire Ré, La, Fa, Ré. Et c'est l'accordage qui m'a permis de découvrir ma voix. Mais alors, ma voix chantée, parce que jusque-là, je n'arrivais pas à chanter en accordage normal, et ma voix dans la vie. Parce qu'une fois que ça s'est débloqué, ben, toutes les choses se sont imbriquées et c'est devenu mon boulot. Quoi. Quelle histoire de fou. Alors dans Sébastopol, il y a quand même une partie de ton prénom. Ouais, puisque c'est Sébastien. Ouais, ouais. Moi, je t'ai connu lorsque tu jouais tout au début dans les rues de Cahors, une dizaine d'années à peu près, lors du Festival Blues de Cahors. C'était tes débuts. Ça te fait quoi de jouer sur une grande scène maintenant et même sans le public? Ah, c'est toujours super gratifiant, surtout, surtout d'avoir, de sentir que je suis plus seul. C'est plus un solo. C'est un boulot à plusieurs, avec les techniciens, avec des lumières fabuleuses et avec des gars qui me font un tapis sonore, qui me pousse. C'est comme s'il y avait toute la cavalerie derrière. C'est génial. C'est une super expérience. Ouais. Oh ouais, j'adore ça. Alors, comment t'es venue cette idée de jouer en one-man band? Est-ce que c'est une façon pour toi de respecter la distanciation sociale? Disons que seul, c'est tout est décuplé. Tout est décuplé, les difficultés deviennent énormes, c'est des montagnes. Le risque aussi, du coup. Ouais. Les risques, ouais. Mais le plaisir aussi est décuplé. Et c'est vraiment une bonne affaire, je trouve. Parce que les sourires sont beaucoup plus grands en face et il y a une empathie. Il y a un truc, le public sent que je transpire, que je risque ma peau. Je vais peut-être mourir à la fin de la chanson. Mais c'est pas un rejet du groupe, quand même. Parce que tu pourrais risquer ta peau aussi au sein d'un groupe. Ouais, mais la vie m'a fait prendre cette voie-là. Et, du coup, j'ai rencontré des musiciens après. On a bricolé quelques petits trucs, mais il manque toujours quelque chose. Parce que tout ce petit univers-là, ces 80 kilos de ferraille que je trimballe un peu partout, sont devenus vraiment des morceaux de moi. Et si je n'ai pas tout ce bazar autour de moi, je me sens nu et désemparé. Quoi. C'est... Les bazars, il y en a. Hein. En tout cas, on voit que tu aimes le goût du risque. Parce que même sur ta fiole, il est écrit « poison ». Toxique, attention, avec une tête de mort. Donc on voit que Sébastopol a le goût du risque. C'est les produits locaux. Alors, si tu veux bien, parlons justement de ces instruments. Ton bazar, comme tu dis, certains sont bricolés, recyclés, détournés. Ouais. Un tuyau de poêle par-ci, une scie par-là, une pompe à vélo. Mais il y a même une cafetière, mais ça, c'est peut-être pour le café. mais là, ouais, je suppose, en tout cas, c'est un vide-grenier ambulant. Ah ouais. Ouais, mais c'est... C'est aussi tous ces petits détails-là, c'est plein de trucs que j'ai flairés dans le blues. Il y avait les jug bands qui trimballaient tous ces trucs dans les rues de Memphis en récupérant ce qui traînait dans la cuisine pour faire de la musique. Donc, je n'ai pas inventé grand-chose. Hein. Même la cafetière, je l'ai vue dans un livret d'un CD, une vieille image d'archive. Et si vous cherchez sur YouTube, ah mince, j'arrive pas à me souvenir du nom du mec qui joue de la cafetière. Fouillez sur YouTube, vous allez trouver un mec avec un washboard et un ukulélé, c'est un duo. Ils sont tous les deux dans la rue. Tu es, on l'a dit quand même, un inventeur bricoleur. Qu'est-ce que tu n'as pas encore inventé? Je suis à peu près sûr que tu as un atelier dans lequel tu es en train de monter des petits instruments qu'on n'a pas encore vus sur scène. Oh, vous n'allez pas être déçus. Ouais. J'ai trouvé un truc abominable. Un violon monocorde, avec une seule corde, et avec un pavillon de gramophone. Alors, ça ressemble à rien. Mais c'était une prouesse technologique. Je crois que dans les années 30, on estimait que ce truc-là aurait beaucoup plus de succès que le saxophone. Parce que c'était facile à jouer, c'était très puissant. Et visuellement, c'est complètement dingue. Ça ressemble à rien. Donc bientôt, vous allez avoir ça. Ouais. Ah bien. Ouais. Impatient de voir ça. On a entendu, en tout cas, ce soir, pas mal de blues, mais aussi de cajun, un peu de jazz même, et un peu de country. Ça semble arriver quand même tout droit des années 30, tout ça, non? Mais ouais, les débuts de l'ère phonographique, ouais. Et puis tu sais, tu à l'époque, on pouvait pas vraiment classer les trucs comme ça. Les chansons, en fait, se sont baladées tellement d'un répertoire à l'autre. Les blancs imitaient les noirs, qui imitaient les blancs, qui imitaient. On peut pas remonter à la source. C'est tout un truc tellement noueux, embirlificoté que j'ai du mal, moi, à dire ça c'est du jazz, ça c'est du country. Pour moi, c'est vraiment une grande famille, c'est le blues. En tout cas, il y a une vraie virtuosité dans ta façon de jouer. On dirait que tu as 10 mains pour jouer sur tous les instruments, c'est très visuel. Tu parles beaucoup, en même temps, tu expliques, tu embarques ton public dans un univers. On sent que la musique, pour toi, c'est vraiment pas qu'un concert, c'est un spectacle. C'est tellement important pour moi. Tu sais, aujourd'hui, je suis venu en me disant, bon, il ne faut pas que je laisse retomber trop longtemps entre les chansons. On n'a pas de public, donc il n'y aura pas d'applaudissements. Il faut enfiler les chansons. Mais j'y arrive pas. J'ai toujours envie de donner les clés, d'expliquer, donner envie aux gens d'aller chercher dans les vieux disques, les vieux enregistrements et de trouver ce qui va les nourrir. Moi, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a transformé, ça a fait de moi quelqu'un de meilleur, je pense. Donc je pense que ça peut aider pas mal de gens et c'est pour ça que j'aime bien semer ces petites graines. Et puis, il y a aussi de l'humour. Ça, ouais. C'est important aussi. Si, il y a de l'humour. Ouais, bah, d'humour, disons que c'est le naturel que j'arrive pas trop à chasser. Et je pense qu'on est tous, pareils. Il n'y a alors, pas de star. Alors, Sébastopol, tu as sorti un disque. Il est là devant. Tout le monde peut le voir. Il a quelques années déjà. Est-ce qu'il y en a peut-être un en préparation? C'est toute une histoire, ce disque. Ça va être une pièce de collection. Parce que la rencontre qui a fait naître cet objet a été super belle, super riche. Et hélas, la personne qui m'a offert cette chance unique s'est envolée. Alors, si tu veux, j'ai un peu de mal à remettre le couvert, quoi. Je suis vachement attaché à ce truc-là. C'est le seul. Pourtant, il est très, très ancien. Hein. Il ne représente plus vraiment ce que je fais maintenant. Quoique si, je fais toujours la même chose. Je n'ai pas changé, je crois. Merci beaucoup. Merci, Sébastopol. Merci. On rappelle donc ce disque. Achetez-le avant que ça devienne une pièce de collection. Maintenant, place au concert de Mr. Matt. Il est déjà prêt sur la scène du Sales Blues Festival. Place à la musique, Cédric. La jeune femme était belle, toute de noir vêtue, découlée de rimmel sous ses yeux dépourvus. De foi et de lumière, qu'avait-elle donc fait avant? Avant les instants de colère, les instants de tourment. Où allez-vous, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous qui pourrait rendre votre journée un tout petit peu moins cruelle? La jeune femme était sombre, d'une beauté incendiaire. Je la regarde, même son ombre me semble d'une grâce singulière. De la malice certaine, avalée par l'amour enfui, dévorée par ce jour de peine et ce cœur tout meurtri. Où allez-vous, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous qui pourrez rendre votre journée un tout petit peu moins cruelle? Sombre sous ce soleil écrasant, dans un bout de meule long derrière son air suffisant. Je vois que la fragilité dans tous ses gestes de rigueur, cette plante presque fanée qui fit battre mon cœur. Où êtes-vous, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous qui pourrait rendre votre journée un tout petit peu moins que... La jeune femme s'envola derrière une église de Paris. J'en refais le tour chaque fois que je traîne non loin de ce parvis. Plus jamais aucune trace de celle qui, tout de noir vêtue, n'a laissé que sur cette place un parfum de fruits défendus. Où allez-vous, mademoiselle? Où allez-vous, mademoiselle? Où allez-vous? Très content de jouer ici à Salaise-sur-Sanne et pour le blues de Salaise. Cette petite chanson qui est sur mon album qui est sorti l'année dernière, au début du confinement, un matin je me suis réveillé et je n'avais pas trop grand chose à écrire ce matin-là, mais je me suis dit tiens, je me sentais tout bizarre, tout patraque. Je me suis dit tiens, je me sentais, comment je pourrais dire, je me suis senti femme. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais chanter comme chanson, une chanson de femme, justement. Et il n'y a qu'une seule chanson qui m'est venue à l'oreille à ce moment-là. J'ai pris ma guitare et j'ai joué ce truc-là. come home in the morning light. My mother said, what you got to live your life right? Oh, mother dear, went up to fortune at once. But girl, they wanna have fun. Wow, girls just want to have fun. Phone rings in the middle of the night. My father, yes, what you got to do with your life? Oh, daddy dear, you know you're still number one. But girl, they wanna have fun. Oh, girl, just want to have. That's all. Désespérément optimiste, à contre-courant, contre l'avis des spécialistes, faiseur de sale temps. Désespérément optimiste, pour ces foules de gens, pour le plus petit des lampistes, je me compte dedans. Désespérément optimiste, est-ce grave vraiment de croire que le bonheur existe ici et maintenant? Désespérément optimiste, à me faire enfermer. Désespérément optimiste, à trouver la clé. Je le dernier sur la liste, un vieux Mohican. Désespérément optimiste, rêveur d'océan. Si le sourire est parfois triste, le regard tombant. désespérément optimiste, désespérément. Et le jour à l'improviste, le ticket gagnant pour le paradis des artistes me tombera dessus, vent. Désespérément optimiste, je me ferai enterrer. Désespérément optimiste, ressuscité. Ils sont sur la scène du Sales Blues Festival. Ladies and gentlemen, les Bedaines de Coton. Mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi. Mon nom est Charlie, je suis bluesman dans la vie. Mon nom est Charlie, Charlie Patton. Je suis né dans les champs de coton, Charlie Patton, comme disent les anglophones. J'ai joué partout dans le sud des États-Unis. Je vis toujours dans le sud, mon meilleur ennemi. Je vais te raconter en chanson ma vie, la vie de Charlie Patton, Charlie Patton. Jacob, ça web, ça sonne, hey! Tu sais, ici, on gagne petit petit. Tu sais, ici, les blancs ne sont pas très gentils. Les bedaines de coton jusqu'au dernier nous mangeront. Sous le poids du coton, l'espoir nous abandonne, hey! Petit, je suis pas comme les gars d'ici. Et petite, regarde bien mes habits. J'ai du sang noir, blanc et indien, les cheveux non crépus et châtains. J'ai Charlie Patton et ma musique cartonne. Mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi. Mon nom est Charlie, je fais du blues dans la vie. Mon nom est Charlie, Charlie Patton. Je mourrai dans les champs de coton. Charlie Patton rimera toujours avec coton. Charlie Patton rimera toujours avec coton. Charlie Patton rimera toujours avec coton. Je suis si fatigué, oh Death, oh Death, oh Death, oh Death. Je suis prêt à m'en aller. Je mange mon oh Death, oh Death, oh Death, oh Death. Je suis si fatigué, je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Oh Death, oh Death, oh Death, oh Death. Ne rien regretter, oh Death, oh Death, oh Death. J'ai bien profité, je mange mon oh Death, oh Death, oh Death, oh Death. ne rien regretter. Je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, j'y suis retourné. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, là où je suis né. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, j'y suis retourné. Je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, les bedaines ont gagné. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, le coton m'a rappelé. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, les bedaines ont gagné. Je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je suis si fatigué. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je suis prêt à m'en aller. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je suis si fatigué. Je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Je m'endors, mes yeux vont se fermer à tout jamais. Nous sommes toujours au Céleste Blues Festival, ici avec cette fois Cyril Magui. Bonsoir Cyril. Bonsoir, bonjour. Très heureux de t'avoir ici pour parler de ce spectacle, Les Bedaines de Coton. Alors c'est un spectacle, c'est aussi un livre CD qu'on voit ici. Tout à fait. Et déjà, bah, chaud, avant de parler de ce spectacle, ça fait quoi comme effet de faire un spectacle pour enfants, sans enfants ? C'est très compliqué parce que en fait, à chaque fois que j'écris un spectacle, je visualise déjà la réaction des enfants. Voilà, mais bon, avec celui-ci, c'est que le deuxième streaming. On avait fait un au tout début du premier confinement, mais donc là, j'étais chez moi, j'avais fait le spectacle tout seul dans mon jardin. Mais donc là, c'est encore frais, donc j'ai réussi à m'imaginer vraiment le public en face et voilà, je les imagine en train de chanter. Donc c'est ça, va, ça s'est bien passé. Bon, Cyril Magui, tes projets sont nombreux et toujours assez originaux, hein, il faut bien le dire. On rappelle Vicious Steel, bien sûr. Pisco Delico aussi, il y a eu. C'était il y a longtemps, déjà ça. Un spectacle pour enfants, Caraballe. Oui. Comment t'es venu ce goût du spectacle en général d'ailleurs et du spectacle pour enfants en particulier ? Le goût du spectacle, bah, on fait du spectacle vivant, donc je pense que c'est important d'avoir des costumes, des décors, enfin, même dans Vicious on le fait, c'est quand même, on va dire, on est dans des concerts un peu plus généralistes, mais il y a toujours du décor. Donc je sais pas comment ça m'est venu. Je pense que c'est comment dire, j'aime beaucoup l'idée de construire et de prendre le temps de mettre en scène tout ça. Et après, le côté enfant, bah, j'étais enseignant. Ça m'a toujours plu de partager ce que je sais faire et ce que j'ai dans la tête avec les enfants. Voilà. Et juste pour rebondir tout à l'heure, quand vous parliez des interventions scolaires et en crèche, alors justement, avec les bébés, c'est encore plus facile. Je passe des heures et des heures avec les bébés pour faire de la musique et ça réagit justement au blues parce que c'est très rythmé, surtout au blues de Charlie Patton qui est très très vif et très relevé. Donc justement, il faut faire de la musique pour les maternelles, pas se contenter toujours d'un public scolaire en primaire, mais vraiment aller vers les maternelles. Ça s'apprend. Si vous n'êtes pas à l'aise, voilà. Puis ça leur donne le goût du blues, ils resteront dans le blues toute leur vie. On ne sait jamais, voilà, mais ça donnera des vocations peut-être. Alors les Bedaines de Coton, on l'a dit, c'est un nouveau spectacle que tu as créé en 2019. C'est aussi un livre CD, oui. Illustré par ton collègue Bertrand Lanche. Oui, c'est ça. Comment est née cette belle idée de faire un livre CD ? Ben, les premiers albums de Caraballe dont tu parlais, Francis, justement, on a toujours fait des pochettes avec Bertrand qui nous dessinait les personnages. Il a fait une pochette aussi sur l'album de Vicious Steel. Et quand j'ai créé Les Bedaines, j'avais envie justement de faire on s'est dit, bon, on va faire un livre. Donc on est allé voir Delphine Lagache de La Rochelle, du label Dans la Forêt, pour lui demander comment on faisait un livre-disque. Et en fait, elle nous a donné un organigramme pour dire, ben, on le sort l'année prochaine, quoi. Donc c'était plutôt chouette. Alors cette histoire parle de la vie de Charlie Patton. Patton, comme tu as dit. Charlie Patton. Et pourquoi ce choix ? Ça aurait pu aussi Robert Johnson. Johnson. Ça pourrait être Robert Johnson. Après, Robert Johnson, moi, je pense que... Après, c'est que des suppositions, parce qu'on n'était pas là-bas à cette époque. Mais quand on connaît bien l'œuvre de Patton, Robert Johnson, il a pompé un peu quand même un petit... Mais c'est normal, il s'est inspiré des musiciens. Alors puis dans le blues, c'est... on fait tous ça. Mais vraiment, Patton, c'était un des premiers déjà à avoir enregistré. Donc on a des traces de ses morceaux, mais on sent vraiment une patte chanson. Voilà, il n'y a pas tout le temps le même, la structure automatique des... Alors je vais rentrer en... comment dire, dans des détails pour les musiciens, mais cette structure automatique des 12 mesures, voilà, chez Patton, on ne la retrouve pas. C'est plus de la chanson folk, en fait. Moi, je le vois vraiment comme, comme le début de la folk. Un mix entre, de toute façon, bah, avec ses origines, hein, les blancs, musique indienne, musique noire américaine, musique de campagne, un blues rural. C'est ça qui me touche. Au-delà de la musique, est-ce que c'est aussi sa vie qui t'a marqué, le parcours aussi de, du personnage? Bah après, ce qui était chouette, c'est surtout qu'on est allé jouer à Memphis pour l'International Blues Challenge et qu'on est allé là-bas. Donc c'est vrai que ça m'a touché encore plus. Mais après, sa vie, bah, il avait une vie de bluesman. Quoi. Il est parti sur la route, il buvait un peu, il se battait, il aimait bien les femmes. Voilà. Qui a coûté aussi macho. Non, mais voilà, ça reste quand même. Ce qui m'intéressait surtout aussi, c'est de me montrer que. On parle souvent de blues, esclavage, tout ça. Non, là, à cette époque-là, l'esclavage était terminé. On est vraiment dans de la. Comment dire, on exploitait l'exploitation ouvrière, quoi. Donc, il y a pas mal de fonds aussi là-dedans. On peut même faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc, on a dit tout à l'heure, c'est un livre CD. En fait, c'était venu comment ce choix de livre CD? Tu as parlé un peu du label à La Rochelle Comète Technique pour te donner des idées, mais au départ. Travaillant avec un dessinateur, on s'est dit on va faire une BD ou un livre disque, quoi. C'est juste que le label nous a donné, et Delphine en fait, c'était pas leur premier livre, donc ils connaissent bien le format. Là on a un super beau papier, on va dans le choix du papier. C'est très beau. Ouais. Après nous on s'est vraiment occupé que de comment dire des idées de chaque page, mais après c'est elles qui font les mises en page. Donc ça s'est passé super bien. Vraiment, on s'entend très bien. Et d'ailleurs, on en a refait un deuxième, quoi, ensemble. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler de Bertrand Lange, qui a fait les dessins sur ce livre CD et également le nouveau, dont on va parler dans quelques instants. Bertrand Lange, il vient du fanzine. Donc, il a un dessin un petit peu rock'n'roll, un peu BD. Là où j'adore bosser avec lui, c'est qu'en fait, je crois que j'ai jamais... Ça arrivait peut-être une fois, sur le portrait de Robert Johnson. Là, j'ai fait « Ah, là, il ne lui ressemble pas ». Et il l'a refait. Mais sinon, je suis toujours d'accord avec ce qui me sort. En fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On discute avant. Et en fait, il arrive à vraiment mettre en dessin soit ma musique, soit ma chanson. Et tu le connaissais avant ou c'est une proposition de l'éditeur? Non, on s'est connus en 2012. Il habite à côté de chez moi. Il est Toircey. Donc, territoire blues, tonton Eric. Voilà. Qu'on salue bien. Bah ouais, puis moi, c'est lui, je ne vais pas dire qu'il m'a initié au blues, mais c'est en allant au festival. Je pense que comme bon nombre de musiciens qui a un festival à côté de chez lui, bah voilà, j'ai eu la chance de croiser plein de monde et c'est chouette, quoi. Donc ça a construit mon âme blues. Dernière question, Cyril, on aimerait que tu nous dises deux mots du petit frère ou de la petite sœur, après tout, on ne sait pas trop, des Bedaines, Rock the Cavern, que nous montrons là à l'antenne et que tu as sorti. Il y a quelques mois, c'est assez récent, c'est l'histoire de la découverte de l'archéologue Copins Copins qui a retrouvé les traces du rock de caverne, un trio d'ados préhisto au paléolithique. C'est ça. Rock the Cavern, c'est le premier groupe de rock de tous les temps. L'archéologue Copins Copins, spécialiste de l'Homo sapiens sapiens, qui a découvert justement les traces de ce premier groupe. Donc là, évidemment, on raconte n'importe quoi. Les guitares électriques n'existaient pas à l'époque, évidemment. Ah bon? Mais j'y ai cru. Je me suis bêtement laissé prendre par l'histoire. Exactement. Et ce qui est chouette, c'est du fake, en fait. C'est une fake news. C'est ça, c'est une vraie fausse histoire. Par contre, si on reprend vraiment toutes les chansons, ça raconte vraiment, on va dire, le paléolithique. Parce que mon frère est archéologue, Adrien, il a participé, il m'a aidé un petit peu à pas dire trop de bêtises. J'en dis quand même. Hein. Et du coup, ce livre-disque, quand je joue le spectacle, les enfants ne se posent même pas la question de savoir s'il y avait une batterie ou pas. Quoi. Ils sont à fond, à crier les refrains, on a fait du feu, c'est fou, ce soir c'est barbecue. Enfin voilà, donc c'est plutôt chouette. Et il y en a un nouveau qui sera pour 2000... Alors je suis perdu moi avec le confinement, ça va être sur la conquête de l'Ouest. Alors ça sera en 2032, visiblement, à la sortie du confinement. Ouais. Mais non, le livre, je pense, 2022, où, sur la conquête de l'Ouest, on va être sur un style plus bluegrass. Et celui-ci, il est vraiment rock'n'roll, avec une base de blues forcément, parce que je peux pas renier mon jeu de guitare. Toute la famille, c'est un petit gars. Et puis moi, tout près de Rouleville, on s'installa là. Vers 1900, je crois. À la ferme de Dockery. Et c'est là. Ah oui, c'est là. Que pour le blues du Delta, tout commença. C'était une vraie ville. avec une gare, juste pour domicile, des cabanes en bois. C'était difficile, ah oui, c'était dur pour nous les Noirs. Depuis peu de temps, on était libres, mais rien ne changea. Des sacs de coton, tout ça pourquoi? Pour quelques jetons, même pas pour des dollars. Tu vis à Dog Creek, tu ne vas plus nulle part. Tu manges à Dog Creek, y a plus de hasard. Tu dors à Dog Creek, tu cherches encore l'espoir. Tu meurs à Dog Creek, nous verrons ça plus tard. Oh yeah! À quelle bande de fêtards apportèrent avec eux des guitares, des sons d'évangile et chants indiens. Je chantais mon blues et entonnais mes refrains. Tu vis à Dog Creek, tu ne vas plus nulle part. Tu manges à Dog Creek, y'a plus de hasard. Dog Creek, tu cherches encore l'espoir. Tu meurs à Dog Creek, nous verrons ça plus tard. Tu vis à Dog Creek, tu ne vas plus nulle part. Tu manges à Dog Creek, y'a plus de hasard. Tu dors à Dog Creek, tu cherches encore l'espoir. Tu meurs à Dog Creek, nous verrons ça plus tard.